والكتابة تعلم الإنسان أن يكون عاطفيا إلى حد ما. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait écrire et j'écrivais régulièrement et lorsqu'on écrit, on a quelque chose de très sentimental. ولأن دراساتي في علم الجمال أيضا جمال القرآن جمال الشعر. Et comme j'avais fait des études concernant l'esthétique dans la littérature, dans le Coran, ainsi de suite. فكنت أخذ الأمور على محمل الجد وأصهر للكل خاف. Je prenais tout cela de façon très sérieuse, uniquement pour y penser et en écrire. خفت إن نمت لا أستيقظ في الصباح. J'avais peur de dormir pour ne pas me réveiller le matin. لكن إلى أين أذهب؟ Mais où aller؟ سأل محمد. Qu'est-ce que Mahomet a fait؟ عن ما منكم إلا واردها. Mahomet avait dit. Tout ce que vous faites, il y a déjà une origine pour ça. C'est un verset dans le Coran. Qui parle de tous les musulmans qui sont condamnés d'aller pour un certain temps en enfer. Je me suis dit, si Mahomet et ses partisans vont aller en enfer, où est-ce que je vais être moi-même? لأن الصحابة سألوه. Parce que ses partisans lui ont posé une question. حتى أنت يا رسول الله. Même toi, le messager du Seigneur, tu vas aller en enfer. قال حتى أنا. Il a dit même moi, je dois y aller. إلى أن تدركني رحمة الله. Jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu me touche. واتصدمت الصدمة الثالثة. Donc c'était le troisième choc pour moi. علمت أنه لا يوجد خلاص. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de salut. ولا توجد حياة في الإسلام. Et il n'y a pas une vie en islam. والنهاية غير مضمونة. Et la fin n'est pas du tout garantie. على الصيد على الأزر صيد بدأ التعاملات ربنا يرسل إشارات. De l'autre côté. Est-ce que juste vous pourriez redonner le verset? C'est un verset du Coran ou c'est un hadith? Hadith ou quel آية du Coran? آية في القرآن. ما منكم إلا واردها. I will give you the. ما منكم إلا واردها. هو يعلم ما منكم إلا واردها ما منكم إلا واردها أي سيأخذها من لا ما أخذها من القرآن donc il y a personne d'entre vous qui ne va pas passer par ce chemin الصحابة سألوا محمد عن معنى هذه الآية donc les partisans de Mahomet lui ont posé la question que signifie ce verset شرح لهم il a expliqué ce verset كلكم داخلين النار Il leur a dit, cela veut dire que vous allez tous aller en enfer. Et à ce moment-là, ils lui ont posé la question, et vous aussi, messager du Seigneur. Et il a dit, mais moi aussi. Jusqu'au moment où je serai touché par la miséricorde de Dieu. Bon. Merci. لا يوجد إذن نهاية في الإسلام لا توجد نهاية لا يوجد سعادة ولا donc il n'y a pas une fin heureuse en islam في الأزر سايد بدأ تعامل ربنا معايا de l'autre côté le Seigneur a commencé à avoir des relations avec moi بدأت رحمته تظهر لي sa miséricorde a commencé à m'apparaître يرسل إلي إشارات il m'envoyait des signes ولما بنكون صافيين أصفياء القلب lorsqu'on a le cœur pur نقدر تلتقط هذه الإشارات on peut facilement avoir contact avec ces signes كانت إشارة منهم إن أنا ركبت مع صديق مسيحي سيارته un de ces signes s'est passé c'est que je suis allé avec un ami chrétien dans sa voiture وبعدين حط لي ترانيم وشرايط للبابا شنو ده Il m'a mis dans la cassette des hymnes et des prêches du pape Chenouda. Et j'ai vu que sa voix était tellement belle. Comme s'il m'invitait à quelque chose de très beau. C'était une certaine lueur de lumière pour moi. Une autre lueur de lumière. موظف عندي. Il y a une employée chez moi au bureau. قال لي تعالى أوديك عند أبونا عبد المسيح. Elle m'a dit, je veux

سمعت في شهر أغسطس صوتا. J'ai eu une voix au mois d'août en 2001. يقول لي تعال اذهب إلى أمريكا. Qui me dit viens va en Amérique. سوف تجدني هناك. Tu vas me trouver là-bas. وأنا كنت موجودا في أمريكا من قبل ولم أحب السفر إلى أمريكا. Alors que moi je me suis rendu en Amérique plusieurs fois avant et je n'aimais pas du tout voyager et aller dans ce pays. لكني جئت بعد إصرار مع رئيس الجامعة. Je suis allé après avoir obtenu une insistance de la part du recteur de l'université. وصلت في 19/8/2001. Je suis arrivé en Amérique le 19/8/2001. خذوا بالكم من التواريخ. Faites attention aux dates. وبعدين وصلت عند أختي في فرجينيا. Je suis allé chez ma sœur qui habite en Virginie. وأختي كانت عندنا من 3 شهور. Ma sœur était chez nous en Égypte 3 mois plus tôt. تعجبت إن أنا جيت. Elle était tellement étonnée de me voir arriver en Amérique. قلت لها جئت لأقضي أجازة وأعود أسبوعين. Je lui ai dit je viens ici pour passer les jours de vacances et je veux retourner en Égypte. وكل يوم. Chaque jour. يا رب أين أنت؟ Je demandais au Seigneur où est-ce que tu es. أصرخ. Je criais. أنظر إلى السماء. Je regardais le ciel. ولكن لا إجابة. Mais il n'y avait pas de réponse. حتى جاء وقت. Jusqu'au moment où il y a un moment est venu. اتصلت برئيس الجامعة أطلب أسبوعين آخرين. J'ai demandé au recteur de l'université de prolonger mes vacances de 2 semaines. قال لي لازم ترجع. Il m'a dit il faut revenir le plus vite possible. لأن كان العام الدراسي بيبدأ. Parce que l'année universitaire vient de commencer. ذهبت أنا وزوج أختي نحجز تذكرة. Je suis allé avec mon gendre, avec mon beau-frère pour réserver un ticket. كان ذلك يوم الاثنين 10 سبتمبر 2001. C'était lundi 10 septembre 2011. وقفت أبكي وأعاتب الله. J'ai commencé à pleurer et à me plaindre auprès du Seigneur. أقول له أنت تضحك علي. Je lui ai dit toi tu te moques de moi. قلت لي تعالى هتشوفني في أمريكا والآن أنا راجع. Tu m'as dit viens, je veux te voir en Amérique et maintenant je suis forcé de rentrer. تعلمون وحجزت التذكرة كانت مفروض أرجع. Tout était réservé. كان الرجوع الخميس 13 سبتمبر الساعة 5. Je devais rentrer le 13 septembre. عدت إلى البيت. À peine suis-je arrivé à la maison. دموع على خدي. En pleurant. ونمت مبكرا. Je suis allé au lit de bonne heure. وصحيت في اليوم التالي. Le lendemain. وإذا الله وإذا الرب وإذا إله السماوات. Peut-être le Seigneur, le Dieu des cieux de l'univers. قد صنع أكبر معجزة لأجلي. A fait un des plus grands miracles pour moi. كانت أحداث سبتمبر. Il y a eu les attentats du 11 septembre. أنا سبب أحداث سبتمبر. Moi, je me considère comme la cause des attentats. أنا أصدق أن الله صنع هذا من أجلي. Moi, je crois que le Seigneur a fait ça pour moi. أنا أصدق إني لو رجعت مصر في ذلك الوقت لم أكن لأعرفه. Moi, je crois que si j'étais retourné en Égypte avant ça, je n'aurais jamais pu découvrir le Seigneur. لكنه استوقفني بمعجزة. Mais il m'a laissé, il m'a retardé, il a retardé mon voyage avec un miracle. صحيح هناك 4000 قتيل. Il est vrai qu'il y a eu 4000 victimes dans ces attentats. لكنه أيقظني وأخرجني من الموت. Mais il m'a réveillé et il m'a sauvé de la mort. بهذه المعجزة. Avec ce miracle. وأرسلني. Il m'a envoyé لأتكلم عنه وأخبر العالم afin de parler en son nom et d'annoncer sa parole dans le monde. بعد أحداث سبتمبر في نفس اليوم. Le lendemain des attentats du 11 septembre. كانت تراجيديا في العالم كله. C'était une tragédie dans le monde entier. لكني وجدت في قنواتنا العربية. Mais j'ai trouvé dans les télévisions arabes. مشاهد للفرح. Des scènes de joie. وحزنت أن تكون مشاعر الإنسانية بهذه الطريقة. Et j'étais tellement triste de voir que les sentiments de ces gens se manifestent de cette manière. ويبدو أنه كانت النهاية للإسلام داخلي. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était la fin de l'islam. وجدت بحركة لا إرادية. J'ai trouvé ça avec un mouvement